besoin de lover, besoin de lover, besoin de love, besoin de lover, pas besoin de love. Personne pour me sauver si je tombe dans la gueule du loup. Ah. Ça fait des années que les fleurs ont fané. Oh yeah, and I'm winning, who is Tony Hawk? And I'm winning. Ça fait des années qui nous ont condamnés. Oh yeah, and I'm winning, it's the dignity. And I'm winning. Besoin de love, pas besoin de love. Personne pour me sauver si je tombe dans la gueule du loup. Ah, comme on le voit sans nu, je répondrai à l'appel. Enterrez-moi à la zombie, la clé chez moi sera une simple pelle. Ah, la roue tourne, je négocie les virages. T'as voulu me noyer, tu m'as appris à nager. Le soleil viendra après l'orage. On était fous, aujourd'hui on s'est assagi. Quand tu croiras c'est fini, le destin te frappera encore plus fort. Et quand Dieu t'aura béni, y aura plus personne pour te causer du tout. Ça fait des années que les fleurs ont fané. Oh yeah, and I'm winning, who is Tony Hawk? And I'm winning. Ça fait des années qui nous ont condamnés. Oh yeah, and I'm winning, it's the dignity. And I'm winning. ماشي غرضي يدي بيوم شوفي الدنيا ضاعت عليا. سبابي وشغلي راح عليا. سبابي نيتي هي اللي بيا. ما عندي والي انا مانيش غالي. هاد الليلي كثرة هوالي من سباب راحة الدنيا. قولي وين تتولي ليا راني في العذاب زادت الكيا. مالك ازهر درت عليا من سباب غابت النيا. من سباب غابت النيا. وهذه الدنيا دارت عليا. صافي ديزاني كو لي فلوغ اون فاني. انا مكواني هو يسطاني هاكدو. انا مكواني. صافي ديزاني كي نوزون كونداني. انا مكواني سبابينيتي. انا مكواني. باريزيان دو نور كلاندو دابور. اكتيف دون لا ميوزيك سون باسبور. Africain du Nord, Clando d'abord. Actif dans la musique sans passeport. NM Gwenny, who is Tony Hawk? NM Gwenny, Maghrébin du Nord, Clando d'abord. NM Gwenny, it's the dignity. NM Gwenny, actif dans la musique sans passeport. Ça fait des années que les fleurs ont fané. Oh yeah, NM Gwenny, who is Tony Hawk? NM Gwenny, comme ça. Ça fait des années qui nous ont condamnés. Oh yeah, Oh yeah, and I'm a winning, who is funny hog dog, and I'm a winning. Comme ça.